On ferait pas d'entrevue, les amis, plus tard. Pas de slogan poche ni de pancarte avec sa face et pourtant il séduit toujours son électorat et surtout ses électorates. Accueillons le meilleur candidat pour faire de la maudite bonne radio, votre animateur Jean-Philippe 19 Hey! Il y a du monde qui siffle à soir. Ouais, c'est nouveau. Pas écœurant, ça. Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous donner amplement le temps de nous préparer pour cette nouvelle campagne électorale, Fred Savard. Bonsoir! Oh! Mon Dieu, vous êtes enthousiaste, Fred. Ben là, une campagne électorale, c'est un peu comme un magasin de bonbons pour nous autres. T'sais. Ah, regarde, mais en même temps. Il me semble qu'aux 4 ans, ce serait suffisant. Hein? Hein? Je disais trop de bonbons, là, c'est comme. Tu sais, tu pognes des caries, t'engraisses. Ah, ça, ben justement. Ah, on me parler du docteur Barrette, c'est ça? Ah. Ouais, bon, OK. Ben oui, le Dr Barrette qui est rendu au Parti libéral, c'est pas subtil, ben. Hein? Non, mais je suis pas réputé pour être subtil. Non, je parlais du Dr Barrette, ah! Là. Hey, franchement, parlez-moi d'un homme de conviction, toi. Ben hein? Oui, toi. Passe de la CAQ qui avait le vent dans les voiles à l'époque, hein, au PLQ qui a le vent quelque part, en tout cas, peut-être pas. Mais non, mais. Ben, ils ont des voiles aussi, me semble. C'est ça, mais. C'est pas clair lequel, c'est pas... par exemple. Hein? Ça, c'est une autre affaire. La position sur la charte depuis le départ de Fatima, là, c'est oui, pas évident, Dieu et son âme. Ah, ben, mais elle était musulmane, hein. Ah. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Ah, ils sont pas métriques, eux autres. D'apprenez-vous, Inch. C'est pas grave. Hey, d'ailleurs, je pense qu'on ne peut que souhaiter la mort de tous les concepteurs de slogans de cette campagne. Ah, oui. À date, franchement. Et je peux même. Je peux m'en occuper personnellement à main nue. Faites pas de prison pour ça. Non. Ah. Mais commencez avec la CAQ, là. Ah, oui. On se donne le coup. Colin. J'espère qu'ils n'ont pas payé pour ça. Ben, ils ont pas payé, ils le disent, on se donne. OK, merci. Les libéraux, hein? Mais c'est pas mieux avec leur slogan, franchement. Ouais, c'est quoi déjà le slogan? C'est ensemble, on s'occupe des vraies affaires. Ah, et qui va s'occuper des fausses affaires? Bien, sûrement les libéraux aussi. Ah, moi. Ouais. Je fais confiance, ça fait le couillard là-dessus. Le PQ, c'est quoi déjà le slogan? Il est compliqué. Il est compliqué. Il faudrait leur demander, mais à mon avis, il doit avoir le mot souveraineté là-dedans. Ou pas. Ouais, c'est nouveau, ça, hein? Ouais. C'est bien bizarre. Paraît que c'est plus obligatoire. Ouais. Ouais. Quoi d'autre? Ben, y a la FTQ hein, qui s'est prononcée. Hein. Elle ne va appuyer aucun parti, la FTQ. C'est non, pas mais ça, c'est on pas piqué, c'est absolument les autres. Ben, normalement, oui, mais cette année, il n'y a aucun parti qui reflète leurs valeurs. C'est ce qu'on dit, ouais. Je pense que ça leur prendrait un parti comme les Hells Angels, eux autres. Ouais. Ça s'en vient. Ben, je pense que... Ouais. Sinon, ben, on parle de crime organisé. Il y a la compagnie Enbridge qui a finalement reçu le feu vert, vous le savez, hein? Pour inverser son flux vers Montréal. Son flux vers Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh, hey, monsieur, les rabais qu'on va avoir sur notre gaz. Ah ouais? Non, je ne vous raconte pas. Ah ouais? Ah non. Moi, j'ai déjà commandé mon V8 pour mon scooter. Ah ouais? Ah, ça va boire. Ça j'ai va quasiment boire. Envie de recommencer à fumer juste pour m'acheter un Zippo. Hey, c'est-tu le fun, ça? Moi, je suis chaud avec ça. Hein? Je vais vous le dire, là, pour vous, amateurs de pétrole lourd, Montréal, ça va comme être le Walt Disney de la gasoline. Ah ouais, hein? Oui, monsieur. Ah ouais, les manèges de fuel, là, ça va être capoté. Non, je vous le dis, ça. Hein? La pitoune, elle va être remplie de gaz. Mais là, il paraît que c'est quand même tough sur le tuyau, ça, le pétrole lourd. Hein? Oui, mais ils vont inspecter ça, les fuites, eux autres. Ah, hein? Ben? Ah non, sont méticuleux, ce monde-là, vous le savez. Parce que non, mais c'est ça, parce qu'il y a eu un gros déversement aux États-Unis, il y a une couple de mois, là, à la rivière Kalamazoo. Là. Ah, mais arrêtez de vous inquiéter avec ça. On n'a pas de rivière avec des noms de même. Ah non, hein? Sinon, niaiseux. Il n'y a pas de danger avec ça. C'est vrai, c'est pas. Parlant de niaiserie, il y a Maria Mourani, hein, qui. C'est pas drôle. Oui, on donne. Il y a Maria Mourani qui poursuit sa longue dépression. Oui. Pauvre madame. Et qui a demandé de conserver, c'est pas une blague, qui a demandé de conserver la distribution du courrier à domicile pour ne pas donner de munitions aux méchants souverainistes. C'est pas une blague. Non, mais il me semble que le PQ envoie jamais sa question par la poste. Ah, coûterait bien trop cher de papier. Ah, je comprends. Hey, les timbres, ça coûterait trop chaud. Non, mais pas souverainiste, elle, madame Mourani. Mais ah, mais bon, déjà, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Fred, voyons donc. Ouais. Écoute, j'étais où dans ce temps-là, moi, quand t'étais souverainiste? C'était quoi, c'était en décembre? J'étais au chalet. Ah, ouais. C'était... Et que ça passe vite, hein? Ah, regarde! Ah, la vie! Ah. Quel âge avez-vous, frère? 42 ans! Eh, hey, mon Dieu! Hein? Déjà, c'est la fin de votre vie, puis je vous ai connu, vous aviez à peine... Ah non, mais on dit que ça passe vite. Ça, c'est comme nos invités. Ils sont très, très vite, nos invités ce soir. Ouais, on est très heureux. On reçoit le président du Conseil du Trésor du Québec, Stéphane Bédard. Ouais. On est très contents, franchement. Hey! Ça part bien une campagne électorale, ça? Mais il reste président pendant la campagne? Ben, s'il y a une urgence seulement. Ah ouais, genre précise. Si le feu pogne dans le trésor. Genre. C'est ça? Oui, okay. on peut voir ça comme ça. Sinon, on reçoit également le candidat libéral, Jerry Sklavounos. Oui. On est très heureux. Donc, deuxième fois, Jerry. Oui. Lui, il nous amène toujours des bons potins, hein? Ben oui! Quand il était venu, là. Oui, pour ceux qui avaient écouté l'émission, hein, il nous avait dit que tout le monde avait un petit problème avec Fatima Ouda Pépin l'an dernier. Ah ouais? Il nous avait dit ça. Oui, oui. Puis? Ben, il avait raison. Ah, OK, ben, on va avoir le temps de demander avec qui un problème maintenant, parce que la soirée est encore jeune! Ah! Hey, la belle soirée qui se prépare, toi. Ah! Hey, niquette, les internets! Niquette, les internets! Hey, ça rime. Ben, je sais. Ben, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée uh-huh. encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir l'avocate et animatrice Anne-France Goldwater se réjouir de la retraite de la députée d'origine française Marie Malavoie en ces termes. Enfin, une retraite à célébrer, imaginée, venue de la France pour détruire notre pays. Quel culot! Ah, les maudits Français. Hein. Une autre affaire contre laquelle la charte ne pourra rien. Mmh. On passe au courrier des auditeurs. D'abord, il y a Paul Dubé qui nous demande « Est-ce que ça serait possible de recevoir le génie derrière le slogan de la CAQ? On se donne le go. » Ben justement, il est ici, juste à côté de moi, c'est Fred Savard! Ah! Est-ce que ça y est, je suis démasqué. Est-ce que c'était payant, Fred? Non, je le fais pour la cause. Ah, t'es fin. Sinon, Bobby je nous écrit... Je prépare mon après-carrière. Eh mon Dieu, Bobby nous écrit... Le journal ne parlait pas de vous dans l'article consacré au code d'écoute de la radio. C'est-tu parce que personne vous écoute? Ben non, au contraire. Imaginez-vous donc que nos codes d'écoute ont doublé depuis les débuts de l'émission et que c'est donc. Nous qui avons le plus de parts de marché en semaine sur ICI Radio-Canada Première. Ben oui! Voyons donc! Ouais. Hey. Ben oui, mais je savais pas ça! On est rendu tellement big, là, il y a quelqu'un qui m'a reconnu cette semaine. Ah, ouais. Ah voyons dans donc! Nous. C'est ah vrai? Ah oui. Mon Dieu, ça prend quelqu'un de big, pas à peu près. Hein? Hey, on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard, un autre qui est de moins en moins big, par contre. Jean-Sébastien, comment ça va? Ah, mon bonjour, Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va bien, mon bonhomme. Ah, ben moi aussi. Ah, ben, j'ai pas posé la question. Voyons donc. vous êtes pressé. Vous nous parlez de quoi ce soir, Jean-Sébastien? Vous le savez, mon bon Jean-Philippe, hein, déjà demain, c'est la Journée internationale de la femme. Encore? Mon Dieu, c'est pas moi vite, que ça existe ça encore. Ça arrive vite, bien oui. Oui, je le sais bien. Mais bon, c'est un coup à donner, puis après ça, c'est fini, Jean-Philippe. Non, je sais bien, vu de même. Et j'en profite de cette occasion pour tenir aujourd'hui à l'émission, Jean-Philippe, des états généraux sur le féminisme en 2014. Eh boy, faites par vous, ça va être édifiant. Vous êtes super gentil. Ben oui, plaît-il. Oui, vous allez voir, c'est extrêmement étonnant parce que Jean-Philippe, à vous, à tous les autres dans la salle qui pensent que les féministes, c'est juste des lesbiennes de gauche avec des moustaches, ben détrompez-vous, mon bon Jean-Philippe. Aujourd'hui, on déboulonne les mythes du féminisme avec Mme Manon Massé de Québec solidaire. Ouais, ben c'est juste que... En tout cas, bye! Bye! Bye! OK, notre premier invité, Fred! Député sortant de Chicoutimi, notre premier invité a été président du Conseil du Trésor, même si, selon ses adversaires, on n'en a pas de trésor au Québec. Accueillons M. Stéphane Bédard! M. Bédard! Bon. Bonjour! Ah! Hey, on commence la campagne en force avec le président du Conseil. Est-ce que vous restez président du Conseil du Trésor pendant ce temps-là? Effectivement, oui. Ah oui? Oui. Ah, mon Dieu, vous êtes payé pis tout. Je continue à être payé, oui, c'est la chance. Je pense que Jannick est contente, les enfants aussi. Votre femme aussi, ben oui, je peux comprendre. Non, d'ailleurs, elle me surveille aujourd'hui, puis elle m'a donné la directive suivante, c'est qu'il faut que j'écoute comme il faut tes questions. Oui, parce que la dernière fois, elle m'a dit, t'as mal répondu aux questions de Jean-Philippe, il parle trop vite, et il t'a pas saisi. Donc, ben, toi, je vais parler plus lentement, je savais pas que vous étiez lent. mais... Mais maintenant que je le sais, je vais faire on attention. On est à la même place, demain, ça va. Mais la première question, évidemment, c'est est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions à vous? Parce que ça a l'air d'être bien compliqué, les péquistes, de faire poser des questions par les journalistes. Bien, voyons, au contraire. On est très ouverts, oui. Non, c'est que des fois, ils sont un peu harcelants. Ça arrive, là. Comme par exemple, ils veulent poser une question. Non, c'est que ils veulent dicter l'agenda. Et dans ce temps-là, on essaie, je te dirais, de... communiquer un message et eux veulent en communiquer un autre. Alors, il peut arriver des événements comme il est arrivé en début de campagne. C'est-à-dire, comme par exemple, quand ils voulaient poser une question. Bien, le but de tout ça... Parce que je ne suis pas sûr que je comprends. Parce qu'on parle évidemment du fait que Pauline Marois n'a pas voulu répondre aux questions tout de suite en commençant. C'était un peu bizarre. Ben non, c'était pas bizarre. Le but, c'était de faire parler, puis tu vois, on a réussi. Oui. Alors, je suis pas sûr que pour les bonnes raisons. Stratégie de communication. D'ailleurs, celui qui l'a proposé, c'est le même qui a proposé le slogan de la CAQ. Arrêtez donc! Vois, le même grand communication, on voit qu'il y a de la compétence dans ce domaine-là. Je savais qu'il y avait un lien entre ces deux parties-là. Mais sans blague, pourquoi pas répondre? Pourquoi pas répondre aux questions des journalistes la première journée? Bon, on répond toujours. Ah, pourquoi la première journée? Non, bien, le but, c'était, on dit qu'on part, on traverse l'autre côté, on voit le lieutenant-gouverneur, puis après ça, on prend l'autobus et on s'en va. On avait un grand rendez-vous qui était en Mauricie. Mm-hmm. Et pour nous, c'était ça le début de la campagne. Donc, c'était ça les journalistes vous ont dérangé? Bien, non, c'est que les journalistes, évidemment, eux, ils ont leur plan de campagne à eux. Alors, c'est comme un plan de bataille. Il est bon jusqu'à temps qu'il arrive au contact de l'ennemi. Ouais. Là, souvent, il faut que tu changes ton plan. Et on voulait vraiment que ça soit en Mauricie le début de la campagne et pas... écoute, c'est plate les un peu. Les journalistes, c'est vos ennemis? Non, je te dirais que c'est des gens qui veulent de l'information, qui sont donc totalement indépendants, ouais. qui n'ont pas d'idées préconçues, non. qui ne votent pas non plus. Puis, Non, mais on s'entend très bien avec les journalistes. Ben, je comprends, il y en a plein dans votre parti. Mais là, je veux même te dire que, là, je le dis pour les autres journalistes, notre quota est atteint. C'est vrai? Et on ne veut plus d'autres journalistes, c'est fait. Mais de Radio-Canada non plus? Ou, y a pas de... Surtout de Radio-Canada. Ben, oui, mais peut-être des animateurs. Frédéric serait bon. Sûrement, son après-carrière, il en parlait tantôt. il travaille avec la CAQ, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Il va avoir de le récupérer. Ouais. Il va avoir l'après-carrière courte. Non, mais je trouve ça le fun qu'on vienne en élection et je trouve que 4 ans, ça a passé très vite. Vraiment, là... d'établir des élections à date fixe et de respecter ça. 4 ans plus tard, on se revoit. Vous n'avez pas vieilli beaucoup, moi, 4 ans. Presque autant que toi. Mon Dieu. Non, mais comment ça se fait revenir en élection tout de suite comme ça? Ça allait bien, là? Oui, effectivement, ça allait bien. T'as raison. Alors, pourquoi pas continuer 4 ans? Non, mais ben, ça sert à rien, là, je veux non, dire. Pourquoi? Parce que, écoute, est-ce qu'on a effectivement... Il va y avoir des élections à date fixe. Dans le cadre d'un gouvernement majoritaire. Un gouvernement minoritaire, le problème que ça pose, c'est que les oppositions peuvent défaire le gouvernement. Et à chaque fois, ils ont dit, il n'y a pas une semaine, ils disaient pas à tous les mercredis, on va vous défaire. Et là, le budget n'était pas inscrit qu'on va le défaire, ils ne l'avaient pas lu, puis on va vous défaire. Alors là, la logique, c'est qu'il faut que tout le monde ait la même possibilité. Donc, la loi va s'appliquer dès que le gouvernement va être majoritaire, mais je pense qu'un minoritaire, il y aurait des propositions à faire. Je pense qu'il y aurait comme une séquence de 2 ans où là, on dit, si vous toffez le 2 ans, puis vous le défaites pas, bien là, on le lance sur un autre 2 ans. OK, fait qu'à coup de 2 ans, finalement. Pour un gouvernement minoritaire. Oui, c'est ça. Mais là, je suis bien confiante qu'on soit capable de former un gouvernement majoritaire. Ah oui, à ce point-là? Ah, écoute. Eh, mon Dieu. Mais les astres. En tout cas, mais ça a commencé bien avec votre proposition de faire perdre 26 000 jobs en février. Ça vient. C'est pas fort, ça. Oh, t'es pas correct. Ben non, mais t'es pas correct. Ben non, mais attendez, là. Moi, je lis le journal un matin, 26 000 jobs de moins. En tout cas, à l'évidence, on a gardé la tienne. Ça, je le vois. Je ne sais pas à quel point vous êtes capable de vous rendre jusqu'à Radio-Canada. Ah, c'est étonnant, ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Non, écoute, au contraire, il s'est créé au Québec dans la dernière année 48 000 emplois. Mois après moins mois. Moins 26. S'ils disent, par exemple, il s'est perdu, je ne sais pas combien dans le domaine informatique, genre 8 000 emplois. On sait que ce n'est pas vrai. Dans la première, tu sais, dans le sens que... Vraiment, on sait que ce n'est pas vrai. On sait qui? C'est des statistiques, c'est comme des sondages. C'est pour ça qu'il faut que tu le regardes sur une période de 1 an. OK. Bon. Parce que les premiers, quand on est arrivé, ils disaient tout d'un coup, il s'est perdu 32 000 emplois en santé. Ouais. Ben, en santé, c'est nous autres qui engagent. On l'aurait su s'il avait perdu 32 000 emplois. Donc, tout ça, c'est pas que c'est faux. C'est que ça se fait sous base de sondage. Et sur un an, là, tu as une idée réelle du nombre d'emplois que tu as au Québec. Okay. Et là, sur un an, on sait qu'on est plus 48 000. Combien de députés pour le PQ? Et si on peut se rendre à 80, ça serait formidable. 80? On va dire 80. En haut de 80, là, ça serait formidable. OK, non, moi, c'est parfait. Si on sera à 125, je m'engage à venir à toutes les émissions, te parler de l'actualité, puis répondre à toutes tes questions, comme si t'étais un journaliste. OK, parfait. on parlait de souveraineté. Ça vous dérange pas toujours de parler de souveraineté? Avec toi, jamais. Non, ben, je dis ça parce que je me dis... Parce que j'écoutais Pauline Marois qui a répondu récemment à une question sur la souveraineté. Il n'y a pas d'engagement à tenir un référendum, mais il n'y a pas d'engagement non plus à ne pas tenir un référendum. Hey, c'est Jacques Parizeau qui se retournerait dans sa tête. Ben oui. Y a-tu quelqu'un qui doute qu'on est souverainiste? Indépendantiste, séparatiste et maison 2-3. Ouais, ben. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute au Québec qu'on ne veut pas faire du Québec un pays? Ouais. Est-ce que ça existe? Ben, je ne sais pas, là, je ne connais pas tout le monde. Donc, si, à partir de là, là, l'idée, c'est que quand on en parle, les gens nous disent, ben non, parlez pas de ça, parlez d'autre chose. Parce que là, il y a les vraies affaires. Puis il y a les fausses affaires. Mais ça, les vraies affaires. Alors là, c'est libéral. Vous devriez en parler ou pas en parler. Là, on dit, ben écoutez, là on a une élection. Les Québécois vont se prononcer sur leur avenir. C'est ça qui est important. Mm-hmm. Puis moi, mon but, c'est pas de faire un référendum dans la vie, là, c'est de faire un pays. Alors, moi, parler d'une date, là, ça m'écœure-tu parler d'une date? T'aimes-tu parler d'une date, gars? Je sais pas, moi, le 26 novembre, ça m'écœure. Bientôt, on va lancer des dates, là. On va lancer des dates, là. 14, 13, 33, tu veux? 55. Il n'y a pas d'intérêt. Les journalistes, ils commencent toujours avec ça. Une campagne électorale, tu regarderas, puis ils vont finir avec ça. Quelle est la date du prochain référendum? Ça, là, c'est ce qui est le plus important au Québec, la date. Pas le pourquoi on veut le faire, combien de temps. Non, c'est la date. Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent réserver leur camion de déménagement. Là, oh, j'attends d'acheter des maisons, Fred. Hey, mais justement, il y a une affaire absolument fabuleuse qui s'est passée aussi cette semaine. C'est qu'on a appris que les fédéralistes pouvaient voter pour le PQ également. Ben oui, mais c'est vrai, c'est Mme Marois qui a dit ça. Surtout. Les fédéralistes peuvent aussi voter pour le PQ. Comme, coudonc, qu'est-ce que je comprends pas dans votre stratégie, donc? Ben, être fédéraliste, aurais-tu le goût de voter libéral? Ben, t'es pas obligé de répondre. Non, mais on leur donne un choix. Non, mais t'as comme pas le choix. Non, parce que vous êtes séparatistes. Je veux dire, tu sais, si on prend la... Ben, c'est non? peut-être votre façon d'être inclusif aussi. Hein? Fred, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tout le monde dit qu'on n'est pas tolérant. Là, on l'est, on dit vous l'êtes trop. Alors, écoute, ah, c'est très, très compliqué. Hein? Mais là, je ne vous laisserai pas partir quand même sans parler de votre amie Marie Malavoie. Oui, la belle Marie. C'est pas fin ce que vous avez fait avec Marie Malavoie. Pourquoi vous l'avez mis dehors du parti? On a appris ça aujourd'hui. Il paraît que c'est Pauline qui l'a tassé parce qu'elle voulait du sang frais. Ah oh, non, t'es... Du sang frais. C'était dans le script, ça? Je l'ai senti de même, je trouvais que ça sonnait bien. Ouais, c'est mieux que le 109. Ouais, ouais. Ouais. Non. Non, Marie, au contraire, écoute. Là, je peux vous être sérieux, te dire, Marie, c'est quelqu'un que j'adore parce que je la connais bien. Tout le monde qui l'a fréquenté, c'est une personne formidable. On dit souvent ça de quelqu'un qui est mort. Non. Et par chance, elle ne l'est pas. Puis, je ne suis pas sûr si elle avait le goût de faire un autre 4 ans. Il est arrivé des circonstances. C'est une personne très généreuse. Hein. Mais donc, elle a pris sa photo pour les pancartes. Ben, écoute, ça arrive. Ça arrive et elle a décidé. Mon Dieu, toi, c'est un bluff, je ne savais même pas. Non, non. T'es carré, hein? Non, mais je ne sais même pas si elle l'a prise. Ah, ben, on va dire que mais oui. Ce que je veux dire, c'est que la candidature qui était là, je pense que c'était une candidature de très haute qualité. Elle s'est dit, j'ai fait un bon bout de chemin. Puis je peux laisser la place à quelqu'un qui est de grande valeur. Moi, je trouve que c'est de la générosité en politique. Puis il n'y a pas eu de... Mais il y a quand même une discussion de Mme Marois qui a demandé à Marie Malavoie. Ça, c'est la méthode Pauline. Ça, c'est la méthode Pauline. T'es-tu certaine, ma belle Pauline? Je te dis ça, regarde, sens-toi bien à l'aise, mais il y a quelqu'un pour te remplacer. Non, de dire... non, mais je suis convaincu. Mme Marois, elle a une façon de faire. Je veux dire que moi, je n'ai pas. Non, j'ai un style un peu ça. Plus abrasif, je te dirais. Ben donc, mais d'amener, d'être transparent, d'être... et qui fait en sorte que les gens vont adhérer à son propos. Moi, je l'ai vu en sommet. Puis là, tu dis, ça ne marchera pas. Là. Les gens sont trop loin de leur position. On n'arrivera pas. Bien, ils arrivent. Et il y a quelque chose qui émane d'elle, en particulier quand elle rencontre, qui fait en sorte que les gens vont adhérer. Et personne doute de sa bonne foi. Donc, Marie, écoute, puis Mme Marois, c'est deux personnes très près, deux amis qui ont travaillé ensemble une bonne partie de leur vie. Mais là, elle adhère plus, elle décolle. Non, ben là, elle va continuer à nous aider, mais autrement. Ah oui, comment? Est-ce que vous allez la nommer à New York ou quelque chose de même? Non. Ben non, mais ben c'est une question tout à fait légitime, hein, parce que Marie, non, écoute... laissez le temps à la pauvre Dominique de s'installer. Elle pourrait rendre de fiers services de toutes les façons possibles, mais non, écoute, c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas négocié quoi que ce soit. Puis qui, OK. Elle est partie de bonne foi. Et là. Voilà. Puis elle va continuer à militer. Ah, ben en plus. Exact. Bon. Parlant de militants, est-ce que André Boisclair milite encore bien fort? Non, mais c'est une question tout à fait honnête. Ben, tu vas l'inviter à ton émission puis lui demander. Ah, je ne pense pas qu'il voudrait. Mais. non, mais. Il avait fait fureur pourtant. Ah, ouais, ça. D'autres gens de fureur. Un souvenir impérissable. Oui, mais la question. Il faudrait que je réécoute l'émission, d'ailleurs. Non, non, non. C'est pas. On l'a enlevé. Mais. Mais sans blague, c'est une vraie question parce que là, il est parti à la Baie James avec un bon salaire. Et on se demande, il est rendu où, là? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'André. C'est bon que tu m'en parles aujourd'hui. Mais vous? Je le croise pas souvent. Ben, je vais pas souvent à la Baie James. Et donc, il y a des bonnes responsabilités. Puis, c'est quelqu'un qui travaille fort. Je suis convaincu qu'il va rendre de bons services. Ça, j'en ai aucun. Un autre qui rend des bons services. Ben, vous en connaissez André, beaucoup de monde qui rend des bons services. Hein? Ben, comme ça. Mais André, quelqu'un qui a des grandes capacités. Puis là, on lui a demandé de faire un travail, je pense, qu'il peut bien relever. Au niveau du Nord québécois. Mais pour le reste, c'est quand tu me demandes de me parler de lui, là, non, je sais, te vois plus souvent. Je sais. Je peux te parler de ma femme, ça serait mieux. C'était ou, chien. Mon frère. Mais non, mais je savais pas. T'es des vieilles affaires. Là, c'est pas des vraies affaires. Mais non, je comprends. C'est pas une vraie affaire, André Boisclair, on le sait même. Juste avant de partir, on le sait, c'est une élection, en fait, à saveur de référendum sur la charte, un peu. C'est un peu ça, l'idée. Je me trompe-tu? Non, OK. Donc... Ce serait une bonne idée, mais tant que t'en parles... est-ce que vous allez bouger un peu sur cette charte-là? Est-ce que vous allez utiliser cette charte-là pour voguer un peu entre l'électorat? Parce qu'on voit que vous êtes capable de bouger sur la souveraineté quand ça ne fait pas votre affaire, pour avoir un petit peu plus de votes. Sur le fédéralisme aussi, ça va. Sur la charte, visiblement, ça vous a donné quand même de bons appuis, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que vous pouvez aller chercher avec, avec la charte. Est-ce que vous êtes prêt à moduler un peu sur la charte pour arriver à un compromis à la fin de cette histoire-là? Là? Est-ce qu'on va avoir le même projet de loi quand vous allez être majoritaire? Assurément. Assurément? Oui. On a des idées claires là-dessus, je veux dire... Ça fait 4 ans qu'on se prépare. Les gens ont sous-estimé le fait, pourquoi on le fait. Puis ça donne bien parce que demain, c'est la Journée internationale des femmes. Ouais. Et la base est vraiment là-dessus, de ramener l'égalité homme-femme comme une valeur essentielle au Québec. Et ça, c'est l'esprit de l'approche de Mme Marois. Parce que laïcité, c'est très important. Puis ça, c'est au cœur de ce qu'on fait. Mais moi, je pense qu'au Québec, de faire un accommodement alors que ça atteint l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une mauvaise idée. Et là, je te le dis comme juriste, je suis avocat de formation. Et il faut... Un des rares en politique, d'ailleurs, hein? Ben, je vais dire, il y a plus de journalisme maintenant que d'avocat, sur mon avis. Ben oui, votre côté est passé aussi. Hein. Mais tu vas te dire, on va revenir. Okay. On va revenir avec ça. Parfait. Et là-dessus, c'est que tu ne peux pas être à moitié laïque, à moitié pour l'égalité. T'sais, c'est ça ou c'est rien. Alors, moi, les termes, là, laïcité ouverte, pas ouverte, fermée, à multiples, à choix multiples, la laïcité en soi, le mot, il se complète, là. C'est de la laïcité ou c'est pas de la laïcité? Donc, on va revenir avec ça, oui, Jean-Philippe. Ah, ben qu'on a hâte d'entendre parler encore et encore et encore et encore et encore et encore. On va parler d'autres choses aussi, inquiète-toi pas. Dernière question. Pierre-Carl Péladeau, il va aller où, là, une fois que vous allez être majoritaire? Non, mais c'est niaiseux, parce que là, on s'attendait à ce qu'il soit dans Saint-Jérôme. Ben finalement, il est pas là, on est bien déçus. Puis là, on se dit, bon, mais il va avoir une plus grosse job, j'imagine. Ça va être où? T'as des belles questions. Mais non, mais je dis, moi, j'arrête tellement ça parler encore des vraies affaires. Ben oui, mais je te sens déterminé. Je ne suis pas un journaliste, j'ai un peu d'imagination quand même avec mes questions. tu me donnes une bonne go. Pierre-Carl, pour vrai. Ben écoute, tu vois l'invité à ton émission. Mm-hmm, mm-hmm. Ça, je suis convaincu qu'il viendrait. Ouais. Ouais, il serait bon. Ouais. Ah, ben vous me donnerez son numéro de téléphone. OK. Okay. Vous restez avec nous? Oui, OK, c'est plaisir, gentil. Ouais. Ça, tu me donnes une bière, par contre. Ben, mais ça, c'est-tu niaiseux? Ben oui. Je savais pas que vous buviez sa job. C'est incroyable. Depuis qu'on dit à Montréal, une petite rousse. OK. Hey, on innove cette semaine avec un nouveau personnage, un nouveau concept de sketch qui arrive très, très à point avec le début de cette campagne électorale. On écoute. Mesdames, messieurs, bonsoir, ladies and gentlemen, welcome et bienvenue sur la piste de l'Hippodrome du Québec pour le grand départ de la campagne électorale 2014. Georges-Émile Lachey en direct du tour de piste, directly from the Tower of Peace. Et les chevaux qui arrivent dans les box, here the horses arriving in the white. Dans le corridor numéro 1, Pauline Marois pour l'écurie du Parti québécois et son cheval, Lucky Bernie, un peu sang qui sème la zizanie depuis quelques mois avec son projet sur les chevaux de race québécoise, une présentation de Purina. Dans le corridor numéro 2, we've got Philippe Couillard avec sa nouvelle monture, Superstar Barrette, une nouvelle grosse bête de trait, here is Superstar Gaétan et Huge Horse from Hell. Dans le corridor numéro 3, François David de Québec solidaire, sur un bel étalon iranien, Flying Hamir, un cheval qui a déjà avoué vouloir devenir jockey lui-même. Et finalement, dans le corridor numéro 4, oh, François Legault, qui pénètre difficilement dans l'enclos sur un poney nommé Last Call, Here's Frankie, not fucking well in the clos. Attention, les parties sont prises, c'est un départ, it's a Legault. Pauline part en tête, portée par Lucky Bernie, elle a le vent à poupe, elle la ramasse sous son chemin, Martine Desjardins, la jeune cavalière. Oh là là, coup de théâtre, François Legault, laisse tomber, Last Call, il se met à courir tout seul sur la piste. C'est extrêmement dangereux. On lui souhaite bonne chance et de s'en sortir vivant, surtout avec Superstar Barrette qui s'en vient derrière, like a Rolling Stone. Françoise David sur Flying Amir fait du surplace. Flying Amir qui semble ne vouloir qu'en faire à sa tête et ne pas suivre les consignes de la jockey. Et voilà qu'on s'approche de la ligne d'arrivée. We're almost done. Philippe Couillard fait une remontée, mais ça sera trop peu, trop tard. Oh, attendez, une cavalière indépendante sortie de nulle part. Dépense, c'est Fatima ou de Pépin sur son superbe poulain, Stubborn Bob, qui va la doubler. Mais ça sera pas assez pour battre Pauline. Quelle fin de course. Personne ne gagne et les parieurs perdre 88 millions de dollars. Bravo. Wow! Hey, on va voir le résultat d'avance de même, on savait pas. Hein? Hey, on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe, je viens tout juste d'arriver chez Mme Manon Massé, candidate, vous le savez, pour Québec solidaire et féministe également. D'ailleurs, elle vient de me servir un délicieux thé à la poche de jute, je vous le dis, Jean-Philippe, délicieux. Je vais vous le dire d'emblée, Manon Massé, c'est une femme, moi, que j'adore. Entre autres, évidemment, parce que c'est la troisième fois qu'elle accepte de venir à l'émission avec moi. Vous le savez aussi, entre autres, il y a 18 mois, elle avait accepté de venir avec moi dans un salon de beauté. Évidemment, la question qu'on se pose invariablement à tous les ans, c'est celle-ci, Manon. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui, une journée de la femme, ou est-ce qu'on a autant besoin de ça qu'un coup de barre en arrière de la tête? Je vous dirais que oui, c'est essentiel, surtout quand j'entends M. Bédard qui nous dit que ce qui va ramener l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est de couper des jobs dans la fonction publique parce que quelqu'un porte un signe ostentatoire. Là, je trouve que franchement, on a du chemin à faire pour ça. Mais c'est peut-être pas un coup de barre en arrière de la tête qui est nécessaire, ça serait certains coups de pied dans le cul. Mon Dieu, est-ce donc bien abrasive? Hier, en conférence de presse, le parti a justement parlé de l'importance de créer la parité sur la scène politique québécoise. Mais honnêtement, Manon, depuis Pauline, est-ce que vous pensez encore que c'est une bonne affaire, la parité? Ben, moi, je me rappelle juste qu'il me semble que c'était le tiers du Conseil des ministres qui était des femmes, même pas capable de mettre ça à 50%. Pas parce que t'as la première ministre que faut pas que tu aies 50% de femmes. Puis l'autre élément qui me frappe, c'est comment la ministre de la Condition féminine n'a même pas été capable de prendre soin des femmes dans son dernier mandat. Puis je pense notamment aux femmes sur l'aide sociale qui se font encore couper leur pension alimentaire alors qu'elles étaient engagées à le faire. Fait que oui, on a encore la job, mais c'est pour ça que je m'en vais à l'Assemblée nationale. Mon Dieu, mais t'es enragé noir, mon pauvre Jean-Philippe. Alors merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Et comme vous avez eu la générosité de vous déplacer, on va parler de votre campagne électorale. Dans quelques instants, on va parler de votre petit parti politique de BBBQ. Merci Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première. Une émission qui, contrairement aux partis politiques, ne fait pas de slogan avec des jeux de mots débiles. Fred, ça va? Alors oui, je sais, vous allez dire que, comme bien d'autres, que c'est toute une semaine pour les chroniqueurs et les humoristes. Hein, les gens n'ont de cesse de me le répéter depuis le déclenchement des élections. Mais je dois avouer que je ne suis pas très enthousiaste, Jean-Philippe. Je pense que je suis en dépression saisonnière. Hein, je ne sais pas si c'est parce que l'hiver me semble interminable, presque aussi long et ennuyant qu'un film de Léa Poule. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter une excellente journée mondiale de la femme à toutes les femmes et à tous ceux qui aimeraient le devenir. Mais avec les derniers chiffres publiés par l'Institut de la statistique du Québec, je ne pense pas que beaucoup de travailleurs auront envie de se faire chopper le riki. Parce que malheureusement, les femmes tirent encore de l'arrière sur le plan de la rémunération et pire, même dans les professions libérales et chez les cadres. Par exemple, selon une étude de 2012, le salaire moyen d'un cadre atteignait 52 $ de l'heure contre 34 $ pour une femme cadre. Même pour des professions où les femmes sont largement majoritaires comme l'enseignement, elles gagnent moins que les hommes avec un salaire de 31 $ contre 33 $ pour les hommes. C'est à vomir! Imaginez la honte pour un homme de se faire congédier par sa patronne qui gagne à peine le salaire d'un enseignant de 4e année. Et malheureusement, c'est la même chose dans les métiers traditionnellement masculins et mieux payés que sont l'ingénierie, le pompierisme ou le hockey. Les femmes gagnent moins que les hommes. C'est sûrement pourquoi on vient de l'apprendre là, que cette semaine que malgré 15 ans de programme incitatif, les femmes boutent toujours les métiers de la construction. Il me semble que de plus de femmes en construction humaniseraient la pratique et feraient en sorte qu'il y aurait peut-être moins de Rambo et plus de Germaine et quand même de la... et quand même de la soupe chaude sur les chantiers. Et ça nous coûterait 20% moins cher, ce qui permettrait de réinvestir ce qu'on a économisé dans des programmes incitatifs. Parce que je crois pas qu'on a collectivement les moyens qu'une moitié de la population gagne moins que l'autre, surtout que l'autre moitié est poignée pour payer plus. Moi qui fais un gigantesque salaire, j'aimerais faire ma modeste part pour le bien-être des Québécoises. Oui, c'est vrai, je le fais sur le plan fictif, sur une base quotidienne, à une seule d'entre vous. Mais je peux certainement aider les autres en leur donnant quelques trucs afin d'être mieux rémunérés. Premièrement, Rémunérés. Premièrement, c'est un gros plus. Améliorer votre estime de vous-même. Selon moi, il n'y a que deux façons de le faire. D'abord, la visualisation. Imaginez que dans votre tête, vous êtes excellente. Cessez de vous excuser, de culpabiliser parce que vous êtes meilleure que vos collègues de travail. Il se peut que vous ne soyez pas très bonne dans votre domaine, mais faites comme les hommes et trouvez-vous bon quand même. Ça va paraître dans votre attitude et vous allez mieux négocier votre salaire. Cette technique fonctionne très bien si vous saviez comment je suis peu apprécié moi-même dans mon milieu de travail et pourtant nettement meilleur que mes collègues masculins. Je visualise et je parviens à exceller. J'ai quand même gagné un prix Gémeaux alors que mes collègues n'ont jamais rien gagné, pas même un Olivier. L'autre façon d'améliorer votre estime de vous-même, mesdames, c'est de cesser de lire des magazines féminins. Vous allez voir, en une semaine, vous allez cesser de vous demander si vous avez des grosses foufounes, si vous mangez bien, si vous mettez assez de crème dans votre visage, et si c'est grave de ne pas avoir d'enfant et plein d'autres questions qui vous angoissent, et en ne vous sentant pas coupable, vous pourrez mieux négocier vos salaires. Et selon certains experts, une explication de l'écart entre les salaires viendrait du fait que les femmes consacrent plus de temps aux tâches ménagères et aux enfants que les hommes. Faites comme moi, faites moins le ménage. On s'en sort. Tac, il y a un petit cerne autour du bol. C'est pas comme si on s'en servait pour laver son canari. Soyez moins pointilleux sur la propreté de la maisonnée et vous aurez plus de temps pour rester tard le soir et les samedis au bureau, comme les hommes. Et pour les enfants, c'est vous qui les faites. Alors arrangez-vous donc pour les faire avec la bonne personne. Je sais de quoi je parle. Je suis moi-même un père extraordinaire. Et j'envie les femmes qui aimeraient faire des enfants avec moi. Et vous devriez voir mon fils. Il est magnifique, comme sa mère. Voilà! J'espère que ces trucs vous aideront, mesdames. Vous savez que pour vous, j'ai toujours le cœur sur la main et l'autre main sur votre cœur. Oui. Et... et je souhaite de tout cœur qu'on règle enfin cette question d'équité salariale pour que nous puissions tous ensemble, hommes et femmes, nous libérer des contraintes matérielles pour voguer main dans la main dans l'égalité et surtout pour que je ne sois plus obligé de ramasser la facture au restaurant. Aïe, aïe. Juste un Olivier, avec autant de talent. Un Gémeaux seulement, oui. Mon Dieu. Ah, un Olivier même pas, un Gémeaux, mon Dieu. Ça sent bien, quel gaspillage. Eh bien, c'est avec grand bonheur qu'on retourne parler avec Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, toujours avec Mme Manon Massé. Je vous le cache pas, hein, qui a adoré la subtilité du billet de Fred Savard. Alors, je vous le rappelle, Manon Massé, féministe, également candidate pour Québec solidaire dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Uh-huh. J'aurais aimé, évidemment, continuer de parler de féminisme avec vous, Manon. Mais ce matin, Jean-Philippe me dit dans le bureau, tant qu'à avoir Manon Massé avec toi, aussi bien lui poser deux, trois questions sur la campagne de Québec solidaire. Comme ça, on va être débarrassé d'eux et ensuite, on va recevoir seulement des vrais politiciens issus de vrais partis. J'ai dit, wow, quand même, Jean-Philippe, Québec solidaire, prend du galon. Vous avez même un autobus de campagne cette année. Mais évidemment, la question maintenant, est-ce que vous allez avoir de l'argent pour mettre du gaz dedans? Vous savez qu'un autobus, ça roule pas juste avec des graines de lin puis de la justice sociale. Franchement, tu nous prends pour qui, toi? Comme si on n'avait pas de char. Mais premièrement, ce que je veux te dire là-dessus, c'est que si on avait eu un autobus qui était autonome avec l'électricité, c'est clair qu'on l'aurait pris, puis j'espère que les autres partis auraient fait pareil. Une autre chose avec laquelle vous ne riez pas cette année, c'est la souveraineté. Hein? Ouais. On vous a reproché d'être un peu mou sur la question, mais là, Françoise David y est allée hier d'une profession de foi souverainiste en point de presse. Donc, si je vous comprends bien, vous sautez un petit peu sur une niche qui a été laissée vacante par le PQ depuis que c'est devenu un parti fédéraliste de droite. Je veux juste dire que c'est une niche qu'on occupe déjà depuis notre fondation, c'est sûr. Parfait. Alors, et en terminant, votre parti, évidemment, fait connaître hier certains de ses candidats. Très impressionnant, beaucoup de candidats vedettes, parmi lesquels, je nomme quelques noms, Patricia Tremblay, Colombe Landry, Hélène Bigotte, sans parler, évidemment, d'Andreas Santicilla, votre co-porte-parole, qui lui se présente étonnamment dans Laurier d'Orion contre un certain Géry Slavopoulos. Et paraît que ça va être très serré. Il paraît que Québec solidaire est quand même assez fort dans ce comté-là. C'est vrai qu'il y a autant de pauvreté que ça dans cette circonscription-là, Manon. C'est longtemps que tu n'es pas passé par là. Hein. Mais oui, Andrés est vraiment en bonne posture et je pense que les libéraux ont toujours pris les gens des communautés culturelles comme étant acquis à leur vote. Ceci étant dit, Andrés va les faire mentir la prochaine fois. Bon, Andrés, un bon Canadien français. Alors, Manon, en tant que service public, on offre maintenant la chance aux éditeurs de vous poser des questions également. Alors, vous nous écrivez à lasoirée@radio-canada.ca et on vous revient dans quelques minutes, Jean-Philippe. Oh, bravo. Merci, merci, Jean-Sébastien. Voulez-vous que je présente le deuxième invité pour vous donner un break? C'est lors de sa première visite à l'émission qu'il nous avait presque annoncé le départ de Fatima Oudapépin du PLQ. On le réinvite donc pour de nouveaux patins libéraux. Accueillons M. Géry Slavopoulos! Est-ce que vous connaissez M. Bédard? Ben oui, les deux, on est originaires du Saguenay, là. C'est rare que vous avez deux gars de Saguenay ensemble, boy, hein? Ben non, c'est vrai. Sclavounos, là. Hey, puis je viens de là aussi, puis c'est drôle, j'avais jamais rencontré les votre famille. Sclavounos de Magadville. Ben, Quatier, qu'on est là. Ah oui, mon Dieu, c'est extraordinaire. Hey, deux choses. Merci de venir nous voir. Il me fait plaisir. Là, honnêtement, depuis que je suis venu la dernière fois, j'arrête pas de le dire, là, pour une radio étudiante, vous êtes vraiment, vraiment professionnel. Honnêtement, j'ai dit à tout le monde qui veut m'entendre. On a les moyens. Hein? Wow. Non, c'est extraordinaire. On est même payé pour faire ça. OK. La politique, ça bouge vite. On vous avait reçu il y a à peu près un an. Et une des questions qu'on vous avait posées, c'est vous devez avoir hâte de retrouver le pouvoir au printemps prochain avec votre nouveau... Hey, c'est-tu pas dans la même... On s'est trompé. Hein? Vous n'êtes pas aussi fort qu'on pensait? que vous alliez être dans un an? Comment ben, ça, donc? Je sais pas pourquoi vous dites ça. Ben, mais je regardais les sondages, par exemple. Ouais. C'est niaiseux sur les sondages. Ouais, tu sais, ouais, tu peux pas... Ça change. Ouais, oui. Sauf qu'il y a une tendance, quand même. Hein, ça, c'est une forte mais tendance. Mais il y avait une tendance. Là. Je pense que depuis le début de la campagne, je pense que M. Couillard a bien sorti. Voulez-vous dire avant hier? Hein? Vous voulez dire avant hier? Non, mais écoutez, le sondage, c'est exactement ça. C'est un clip, c'est une photo du passé. Dès qu'on l'apprend, le sondage, dès qu'il vient dans l'actualité, ça veut dire que c'est du passé. Puis je pense que ça a bien été, tu sais, une bonne équipe économique, des affaires. On veut parler des vraies choses, là, nous, des vraies affaires. Là. Parlons de ça, des vraies affaires. On va parler des vraies affaires, l'économie. Tu sais, ils ne veulent pas parler du fait qu'on perd des jobs au Québec. Là. Ils ne sont pas bons en économie, les péquistes. On le sait. Mais ça, tout le monde le sait. Non, là, je sais bien, je le sais. Honnêtement, avec, c'est juste des journalistes, des artistes. Là. C'est difficile. Je sais, honnêtement. C'est du monde qui ne savent pas faire du budget, là, ça. Mais c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Yves. Comment il s'appelle, là? Yves Desgagnés. Yves Desgagnés pour faire la mise en scène. Il y a tellement d'artistes dans ce gang-là. Non, mais parlons de Fatima Houda Pépin, parce que l'année passée, votre passage à l'émission vraiment a été marqué par une déclaration choc, alors qu'on apprenait que Fatima Houda Pépin, c'est toujours compliqué avec Fatima. Finalement, vous aviez raison, parce que visiblement, elle n'est plus là. Non, mais c'est vrai. Et on s'est dit, mais comment ça se fait donc que c'est si compliqué que ça? C'est-tu parce qu'elle avait une opinion contraire à son chef? Non, honnêtement, ce que je veux dire tout de suite, là, c'est qu'elle me manque beaucoup. Là. Honnêtement, elle est partie à tourner les talons, à quitter le caucus, c'est parti. Elle s'est faite quitter un petit peu, par exemple. Non, honnêtement, elle a fait une grosse déclaration, elle a tourné les talons, elle est partie, puis j'ai pas eu le temps d'y dire. Arrêtez-le. J'ai pas eu le temps d'y dire. Donc, vraiment, là, ce que j'avais dit la dernière fois, la dernière fois, c'était par frustration. Là. Il y a d'autres choses que je voulais dire à cette femme-là. Qu'est-ce vraiment, que vous voulez dire? Dites-lui, là. Honnêtement, je vais dire ici, j'avais un kick dessus. Ah, oui, non, non! Puis honnêtement, j'ai pas eu le temps. Elle a tourné les talons, elle a quitté le caucus. J'ai essayé d'y envoyer des courriels et tout ça, mais elle me répond pas depuis. Fait que, elle a dû changer d'adresse courriel. Ah, ben, réponds au mien, moi, tu sais. Parce que vous avez décidé, là, je dis vous, mais en même temps, c'est votre chef, vous avez décidé d'engager le docteur Gaétan Barrette dans votre équipe. Et là, je me suis dit... on va poser des questions à Jerry sur Dr. Barrett. Ben, ça nous prenait un gros canon. C'est clair que... Mais c'est en santé, il n'y a pas meilleur que le Dr. Barrett. Ah, non. Et là, on se pose la question. C'est quand même un changement, c'est quand même un changement de parti assez rapide, là, entre le CAQ et le Parti libéral du Québec. Je pense qu'il a réalisé là, que, t'sais, que la seule option... là. À part l'option du PQ, ouais. Là, c'est ça l'option qui peut gouverner le Québec, c'est le Parti libéral. Là. Puis on a déjà une équipe santé qui est forte. Là, on a juste des médecins, là, on en a trois, on a un trio. Ouais, d'ailleurs, c'est pas une super idée d'enlever les médecins des hôpitaux. Honnêtement, ça, je trouve ça un petit peu cheap. Les journalistes, on comprend, mais des médecins des hôpitaux, ça, je trouve ça un petit peu cheap. Mais s'il était radiologue, lui, là, tu sais. Ah, bon, Dieu, c'est pas important. Clinique, là, tu sais, c'est pas la même chose, t'as pas fait ta recherche. Non, c'est pas un vrai docteur. Mais n'empêche, il faisait quand même beaucoup d'argent. Comment vous allez faire pour convaincre un monsieur qui faisait 800 000 par année et plus de faire, 80 000 avec compte de dépenses? Mais quelqu'un l'a déjà fait, là, il a traversé. Moi, je sais pas ce qu'on lui a dit, là. Mais. On a dû lui dire quelque chose, quand même. Bien, il rejoint la première ligne, c'est une belle première ligne, tu sais. Bolduc, là, Couillard, Barrette, là, tu sais. On a trois médecins. Puis, honnêtement, c'est une question importante de la santé, là, tu sais, au Québec. Comprends. Les gens, tu sais, tu fais des sondages maintenant, tu dis qu'est-ce qui est important? C'est pas la charte, là. Pas charte, là, tu sais, les jobs des femmes, ça nous dérange pas. On est à Montréal ici, Stéphane, là, tu sais, honnêtement. Il y a des jobs partout, là. C'est pas chez Coutimi, là, ça nous dérange. Non, je comprends. Pas, non, ben ouais, c'est pas important. Les gens, des infirmières, travaillent dans des CPE partout. On n'a pas de problème avec ce monde-là. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot pour prendre le contrôle du Québec, là, tu sais, la dernière fois. OK, mais là, attendez un peu, là. On peut pas passer à côté du docteur Barrette comme ça avec une petite blague, là. Mais on peut pas. Là, on va dire les vraies affaires. C'est quand même tout un vire capot. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Non, mais c'est. Pour vrai, là. C'est quand même quelque chose. Là. Le cynisme n'a pris un coup. En là. Même temps, la CAQ et le PLQ, c'est deux partis moribonds. Hein. Je veux dire, il y a comme un. Aïe, aïe. Ça, je suis d'accord, par exemple. Ah! Non, mais il a réalisé, ouais. Que s'il voulait apporter du vrai changement dans le système de la santé, c'est pas avec les péquistes qu'il va le faire. Puis que François Legault, honnêtement, ça va mal. Ben, ça va mal. Mais il fait une contre-campagne, fait que ça va pas si mal. Mais je comprends, à un moment donné, tu sais, pour les électeurs, quand ils voient arriver un gars comme le docteur Barrette, qui passe vraiment d'un parti à un autre en moins de 18 mois, vous comprenez que les électeurs peuvent être un petit peu mal à l'aise. Moi, je leur dis, c'est juste les fous qui changent pas d'idée, là. Honnêtement, là, tu sais. En 18 mois, c'est faisable. Tu sais, c'est faisable. C'est faisable. Écoutez, là, moi, j'ai déjà été dans un bar, j'ai vu une fille, je pensais qu'elle était belle, puis 5 minutes plus tard, j'ai changé d'idée, puis je suis parti. Ça change les idées, ça peut changer en 5 minutes, en 10 minutes, en 1 heure. C'est tellement ça. C'est honnêtement, là, c'est faux. J'aurais pas pris cet exemple. Maintenant que je l'entends, je suis convaincu. Il n'y a rien de bizarre, là, changer d'idée, là. Tu sais, des fois, c'est l'éclairage. Ben, on va pas faire de la musique, l'alcool. Tu sais, qui affecte le jugement, là, on change d'idée, puis là, tu sais, ça change. Allez-vous gagner dans votre comté, vous, toujours, contre André Fonticcia? Ben non, mais. Vous avez. C'était serré quand même. Ben, c'était pas si serré, puis j'ai beaucoup de respect de mes adversaires, là. Je veux dire, André, je sais pas, c'est une espèce de révolutionnaire, là. Je sais pas, il débarque, là. Puis honnêtement, c'est un révolutionnaire, mais là, il va se promener en autobus, là, tu sais, il sera pas en vélo, comme la dernière fois. C'est au mois d'août l'année passée. Ouais. Mais attendez un peu, là, je veux dire, il y a quand même beaucoup de votes qui ont été récoltés par Québec solidaire il y a 18 mois. Québec solidaire est quand même sur une vague, la CAQ va peut-être faire un petit peu moins. Vous avez pas un peu peur dans votre compte? Est-ce que vous faites un petit peu plus de travail pour les récolter, ces votes-là? Moi, j'ai pas peur, moi, je fais mon travail, je prends rien pour acquis. Là. Mais c'est sûr que quand le gars débarque et ce qu'il veut parler, c'est de la souveraineté, de la séparation, il arrive et il dit, moi, je suis plus séparatiste que le PQ. Là. Puis le PQ est moins séparatiste que moi. Ça poigne pas là, chez nous. Là. Même, vous pensez? Mais honnêtement, je parle aux gens, là, ils veulent pas parler de ça. Même les souverainistes, on dit, ils veulent pas parler de ça. Je sais pas pourquoi, mais... Monsieur Bédard, il est pas d'accord, on dirait. Il fait des faces. Je sais pas si... Allez, on en parle. Je sais pas si c'est des faces, mais d'accord ou non. Même les péquistes veulent pas en parler, mais Québec solidaire veut en parler et dire qu'ils sont plus souverainistes, plus séparatistes que les péquistes. Avant de se quitter, là, ouais. Okay, il y a quelque chose que je veux absolument faire... Il y a Québec solidaire qui, quand même, malgré tout son extrémisme, a souhaité de faire une campagne plus douce, hein, plus respectueuse. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et là, je me suis dit, on va jouer à des jeux. On va demander à Stéphane de nous trouver deux, au moins une, en tout cas, une belle qualité de Jerry, pas la ponctualité. Je suis toujours en retard. Ouais, là, ça pas des vraies qualités. Et Jerry, une belle qualité pour Stéphane. Mais une vraie, là. Une vraie. Et je vais commencer avec Stéphane, qui a eu le plus de temps de réfléchir. Ben, écoute, Jerry est un homme sympathique. Et beau bonhomme en plus. OK, c'est pas des vraies qualités. Parce qu'à un moment donné, écoute, sympathique, là. Mais non, mais il est sympathique, puis il est beau bonhomme. On est à Montréal, c'est correct, tu peux le dire. Oui, non. Allez, vas-y, c'est son histoire de bord, mais comme marqué, effectivement. Oui. Écoute, c'est déjà des belles qualités. En chambre. Ben, dans sa chambre, je le sais pas. Là, il faudrait que je demande à la fille qui était pas belle, finalement, qui était belle, là, peut-être. Oh mon Dieu, c'est compliqué. On va faire un sondage, là. Oui, c'est ça. C'est un gars, moi, je pense que. Il y a le loyauté au Parti libéral. Ah, ça, c'est une belle qualité, ça. Ouais, ben, ça là... c'est une qualité, une grosse qualité, moi, je pense. Là. Il n'est pas comme Fatima, il reste dans sa gang. OK, j'aime ça. Il ne se fait pas exclure de son parti. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que vraiment, ça a l'air bien, bien difficile. Mais, Jerry, une belle qualité, Stéphane. Ben, d'abord, il y a du bon goût, là. Quand il parle d'homme, là, tu sais. Non, il sait. Première qualité, là, c'est clair. Right on, là, mais je trouve que ce n'est pas une bonne qualité. En chambre. En chambre, il y a du sens, un excellent sens de l'humour, puis il l'utilise à son avantage. Arrête donc, c'est vrai. Honnêtement, parce que ça peut devenir bien sérieux des fois, mais là, à l'écouter parler, ça nous fait rire, là, puis on le trouve bien drôle. Là, mon on Dieu. Rit de lui, puis ça adoucit la chambre. Louez-vous une chambre, mon Dieu. Mon c'est toujours calmé, Jerry. Bon, on finit ça sur une belle note. Hein? Ah, c'est super bon, cette émission-là. Merci beaucoup, Jerry Slavounos. Merci énormément. Merci de votre présence. On passe à notre prochain chroniqueur, Fred. Si la radio Jambon est en campagne électorale, son slogan serait sûrement « On se donne une go, on est tellement gratuit anyway ». Voici la chronique d'Olivier Niquet! Mais quelle semaine d'actualité quand même, tellement que ça a presque fait de l'ombre à la journée des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Une journée que les réseaux spécialisés en Canadien ont couvert dès les petites heures du matin avec pas grand-chose à se mettre sous la dent, tellement qu'à l'heure fatidique, TVA Sport a dû faire ce constat. On a spéculé beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 8 heures ce matin, messieurs? Ça veut donc dire que là, maintenant, notre émission de transactions aujourd'hui, jusqu'à 19h, on va faire une émission poker. On va jouer aux cartes. La jonglerie aussi, des danseuses qui s'en viennent. Ça va vraiment devenir... Non, mais je parlais pas de danseuses. Je parlais des la musique, un petit disco. Oh, oui, là, oui, c'est ça, tu sais, des petites danses à disco, là. Heureusement, quelques secondes plus tard, on apprenait que Canadien avait fait l'acquisition de Thomas Vanek, de quoi remplir 3 semaines de temps d'antenne. Tant pis pour les danseuses. Faut dire que les journalistes sportifs n'ont pas besoin d'être très rigoureux, un peu comme les journalistes politiques qui sont complètement biaisés, comme l'explique Sylvain Bouchard de Cogeco. De mémoire, c'était beaucoup plus que ça, mais je vais rester prudent. 60 % des journalistes habitent... Le plateau. Le plateau Mont-Royal, qui a voté Québec solidaire. Ben... C'est gauchiste, là. C'est indépendantiste, pas à peu près. Là. Hey, c'est vraiment fou, ça, hein? Sauf que c'est pas vrai. En fait, Sylvain Bouchard a bien fait d'être prudent, puisque j'ai vérifié l'étude de la FPGQ, c'est plutôt 14 % des journalistes qui habitent sur le plateau, ce qui est quand même relativement gros. Un petit décalage de 46 % donc, qu'on ne peut reprocher à Bouchard, puisque si je me souviens bien, là, je vais être prudent, 60 % de ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Reste que ce biais médiatique a une influence sur le débat des chefs qui, selon Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec, était pas mal mieux dans le temps en 2007. Je me souviens très, très bien de la formule. Ça avait été magique. Puis, je me suis fait rappeler aussi qu'à ce moment-là, Radio-Canada, je pense qu'il était en grève. Fait qu'il n'y avait pas eu l'effet pervers biaisé de Radio-Canada. Hey, ça, c'est vraiment fou, hein? Sauf que c'est pas vrai. Radio-Canada n'était pas en grève en 2007 et a bien diffusé ce débat magique. Dommage, c'était la première fois que Joanne Marcotte était contente d'une grève. Autre moment magique cette semaine, Jérôme Landry et Denis Gravel de Radio X qui se moquaient de la candidate du PQ à Québec, Dominique Payette, qui est complètement déconnectée du mangeux de poutine. Tu sais, quelqu'un qui comprend ce que le gars Washington au coin Jean Talon et Henri Bourassa ressent. Écoutez comment elle est vraiment, là, elle ressemble vraiment aux gens de Québec. Elle parle vraiment, comme nous autres. Et vraiment, là, comme nous autres, comme le vrai monde, là. Et elle a les priorités au bon endroit également avec la charte. Je vous demande de me permettre de voter en votre nom à l'Assemblée nationale en faveur de la charte québécoise des valeurs. Aïe, aïe, hein, j'ai rien compris. Ça a-tu du bon sens de parler de même? Quel mauvais exemple pour nos jeunes. En tout cas, le vrai monde chez Ashton va devoir se tourner vers le PLQ dont le slogan est « On s'occupe des vraies affaires », une expression très chère aux radios d'opinion. Pas pour rien qu'ils ont choisi comme candidat Martin Coiteux, ancien chroniqueur à Radio X, dont on se souvient du thème avec émotion. Les mythes économiques avec Martin Coiteux. Ah. C'est la première fois qu'un économiste me donne le goût de danser. Parlant du PLQ, il surprenait tout le monde cette semaine en recrutant le docteur Gaétan Barrette qui, comme Jacques Beauchamp de Pas de midi sans info le disait, est une candidature... Une candidature de taille, celle de Gaétan Barrette. Voilà, et derrière cette grosse candidature se cache une grossière manœuvre électoraliste, selon Benoît Dutrisac. C'est que voyez-vous, Gaétan Barrette est dans Lapinière pour contrer Fatima Ouda-Pépin. Elle mène un combat contre l'intégrisme religieux. Docteur Couillard, dis-moi l'intégrisme religieux, je vais aller chercher des votes là-dedans. Eh oui, Couillard veut l'argent et le vote ethnique des millions d'intégristes religieux du Québec. À l'inverse, le PQ veut le vote de ceux qui sont pour la charte et qui la voient comme une façon de faire le ménage, selon Lise Ravary et Dominique Moret. Malheureusement, trop de gens pensent que c'est un outil pour se débarrasser de ça. Pour nettoyer. C'est un outil de nettoyage ethnique, carrément ça. De nettoyage culturel ethnique, que demain matin, il n'y aura plus aucun problème, que les islamistes vont disparaître. Mais oui, charte égale pour le nettoyage ethnique, pas de charte égale pour l'intégrisme religieux. Une chance que les chroniqueurs sont là pour nous éclairer de façon nuancée. Reste que s'il y a un nettoyage ethnique à faire, je connais quelqu'un qui serait pas pire pour passer la balayeuse, Jean Tremblay, maire de Saguenay. Il a même déjà commencé avec ceux qui veulent se baigner en burkini. Avec moi, là, ils vont frapper un mur, là. Ouais, on est même pas capable de réciter une petite prière de 30 secondes que nos ancêtres récitent depuis que le Québec existe. Non, je sais pas d'où ils arrivent. S'ils arrivent du Maroc, là, il y en a encore des avions qui retournent au Maroc, là. Ça existe, ça. C'est assez lourd, hein? J'ai hâte que les danseuses de TVA Sport arrivent. Seigneur, merci, Olivier. Ouais. Hey, monsieur. Vous savez, il y a du bonheur un peu partout. C'est encore le temps d'aller écouter un peu de Radiovision, le 14h30 AM. Vous écoutez le Radiovision, le 1430 AM. Jean-Étienne Heude avec vous et avec Gladys, qui, je dois l'avouer, me semble pas emballé par cette campagne électorale qui débute, Gladys. Avis à tous les messieurs qui nous écoutent, si vous voulez emballer Gladys, offrez-lui un beau bijou ou une invitation pour le bal masqué. Oh, eh, oh, eh. Mais de grâce, ne me l'enlevez pas. Elle est plus précieuse que ma prunelle. Ainsi donc, nous sommes en campagne électorale et nous aurons le devoir d'apposer notre croix sur des candidats peu inspirants, blanc bonnet, bonnet blanc. Il est grand temps que notre communauté puisse compter, elle aussi, sur des bonnets noirs. Qu'elle se fasse entendre ailleurs que dans les grands partis. Au Parti québécois, il y a Makakoto, oui, mais il ressemble plus à un ministre de pacotille, un roi nègre au mieux qu'un véritable homme d'État. Au Parti libéral, il y a bien Yolande James, mais elle a été mise sous la touche, un peu comme une Fatima Houda Pépin des Antilles. Je ne vous parle pas de la CAQ, qui n'a même pas de candidat de qualité de race blanche. J'aurais aimé que Québec solidaire m'enflamme comme le poulet boucanier, mais malheureusement, outre Amir Kadhi qui a le visage pâle, il n'y a aucun noir notable dans ce parti qui se dit pourtant à la défense des plus démunis. Alors je pose la question. À quand un véritable parti noir pour le Québec? À quand un parti pour proposer une négritude inclusive? À quand un parti qui prônera le vaudou pour tous? Les aiguilles ne sont pas seulement dans les bras de Rob Ford et des châteaux rock comme Éric Lapointe. Elle devrait être aussi dans des poupées que le gouvernement offrirait gratuitement aux citoyens. Fini la musique mièvre quand on entend Rouge FM, qu'on nous donne un gouvernement nègre qui nous créera Noir FM. À quand le zouk et le compas comme musique nationale québécoise? À quand enfin une version noire de la Giga Saint-Dylon? Un dimanche à Port-au-Prince, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'étais avec Gladys, on mangeait du bon poulet. Oh, Jean-Sébastien. Jean-Philippe. Oui, c'est moi. Énormément de courriels ici pour Mme Manon Massé. Ah, c'est vrai? Je commence avec le premier. C'est un courriel un peu nono, mais bon, c'est un service public. Ça nous vient d'un F. Savard de Rosemont. Oh. Très, très, très nono. Rat des pâquerettes, là. Bonjour Manon, bravo pour le nouveau slogan de Québec solidaire qui est « Je vote avec ma tête ». Est-ce à dire que vous avez l'intention de retirer le droit de vote aux femmes? Ah! Écoute, Fred, en fait, j'ai peur que c'est peut-être l'équipe de la soirée est encore jeune qui risque de perdre leur droit de vote, mais ceci étant dit, je pense qu'il faut vraiment voir notre slogan dans l'ensemble. Hein. Notre slogan, c'est « Pour l'amour d'un Québec juste, vert et libre, je vote avec ma tête ». Un auditeur très fidèle qui nous écrit presque à chaque semaine. Bravo Manon pour le nouveau slogan de Québec solidaire qui est « Je vote avec ma tête ». Mon Dieu, ça ressemble beaucoup à l'autre. Intéressant slogan, mais quand même un peu discriminatoire pour certaines personnes et c'est signé LR Magnotin. Écoutez, je pense que le slogan, il faut le prendre pour ce qui est, on fait confiance à l'intelligence de la population. On sait que les gens sont capables de voir qu'est-ce qui est de la poudre aux yeux, qu'est-ce qui est des vrais chauves. On prend pas le monde pour des caves. Puis dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on les invite à voter avec leur tête. Excellent. Et un dernier courriel tout court, celui-là, qui est signé Monsieur Roméo Pérou et qui y va avec une devinette. Ça dit, savez-vous comment donner plus de liberté à une femme? La réponse, t'agrandis sa cuisine. Sans commentaire. Manon, sérieusement, merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente campagne, une bonne journée de la femme. L'entrevue est terminée. Vous pouvez retourner à la maison faire des belles tartes. J'ai pas le temps, je suis en campagne électorale et mon seul objectif, c'est de m'assurer qu'il y aura une solidaire de plus à l'Assemblée nationale. Merci, Manon Massé. Merci, merci à tout le monde. L'émission est déjà terminée. Restez à l'écoute dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Philippe Roberge et tous ceux qui contribuent à cette émission. Un gros merci à nos invités de ce soir. Bonne campagne et bonne chance jusqu'au 7 avril. Bon courage, messieurs. Et si vous tripez sur l'émission, évidemment, vous nous réécoutez. C'est en balado et c'est sur iTunes. Venez assister également à l'enregistrement de l'émission. Ça se fait les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel, on vous réserve une place. Les invités la semaine prochaine, Véronique Yvon du Parti québécois et Charles Lafortune. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Bravo.